Le mot chinois qui signifie savoir ou pouvoir et qui indique une capacité, dans le sens être capable de, par exemple, je sais parler cette langue, je peux parler chinois parce que je l'ai appris, j'ai cette capacité. Alors ce mot se dit Hui. Hui. Doigt noir pointé vers le sol. Hui. Pour dire savoir, être capable de. À quel moment faut-il utiliser pouvoir et savoir? C'est vrai que nous avons appris non et maintenant nous avons aussi appris hui. La différence fondamentale est que hui implique une capacité et que non n'implique pas nécessairement de capacité. Et dans de nombreux cas, en fait, on peut simplement intervertir les deux. Oui, mais vous allez nous guider en utilisant pouvoir ou savoir comme il le faut. Bien sûr. Merci. Donc rappelez-vous que quand nous avons une capacité, il serait bien d'en tenir compte en retenant le proverbe « quand on veut, on peut ». Hui. Alors, il est capable de parler chinois, et en français, on dira plutôt « il sait parler chinois ». Alors, il... Ta. Sait, est capable de... Hui. Parler... Shuo. Langue chinoise... Zhongwan. Il sait, il est capable de parler chinois. Ta hui shuo zhongwan. Mais il n'est pas capable de parler français, ou bien il ne sait pas parler français. Mais ke shi. Il ta ne sait pas ou n'est pas capable de Pou, oui. Parler. Chuo. Langue française. Fa, wen. Comment dites-vous savoir, être capable de? Oui. Il faut dire hui. Hui. Comment dites-vous ne pas savoir ou ne pas être capable de? Pou, hui. Pou, hui. Bien, on fait du trampoline ici. Pou, hui. La règle du trampoline est la suivante. Pou, placé avant un mot d'une seule syllabe prononcée avec un doigt noir pointé vers le sol, nécessite de passer sur le trampoline. Donc, ma chère collègue, dites-nous, mais il n'est pas capable de parler français. Que shi ta pou. Hui shuo fa wen. Maintenant, dites-moi, comment vas-tu? En commençant par tu. Ni. Va bien, allez bien. Hao. Le mot interrogatif. Ma. Comment vas-tu? Ni hao ma. Vous répondez, je vais bien. Je. Wo. Allez bien. Ren. Hao. Je vais bien. Wo. Hen. Hao. Maintenant, dites-moi, je voudrais le voir maintenant. Je. Wo. Maintenant. Tien. Zai. Vouloir, avoir envie de. Xiang. Le voir ou voir lui. Jian. Ta. Comment dites-vous maintenant? Xian zai. C'est ça. Xian zai. Je voudrais le voir maintenant. Wo xian zai xiang jian ta. Pourquoi voudrais-tu le voir? Pourquoi? Wei shenme. Tu. Ni. Vouloir, avoir envie de. Xiang. Le voir ou voir lui. Jian ta. Comment dites-vous voir, rencontrer? Jian. Il faut dire jian. Pourquoi voudrais-tu le voir? 为什么你想见他? Je voudrais le voir parce qu'il sait parler chinois. Je. 我 Vouloir, avoir envie de. 想 Le voir, voir lui ou il. 见他 Parce que. 因为 Il. 他 Sait ou est capable de parler. 会说 Langue chinoise. 中文 Comment dites-vous parce que. 因为 Attention, on dit 因为 因为 Ah, rappelez-vous, mon ami sortait d'une soirée branchée et il était vraiment très in way. In way. Et maintenant, toute la phrase. Je voudrais le voir parce qu'il est capable de parler chinois. 我想见他，因为他会说中文。 Sais-tu parler chinois ? Alors dites d'abord tu. Ni. Sait ou est capable de parler. Wei shuo. Langue chinoise. Zhong wen. Et le mot interrogatif. Ma. Comment dites-vous savoir ou être capable de. Wei. Hui. On dit hui. Avec un doigt noir pointé vers le sol. Hui. Oui, hui. Et comment dites-vous parler? Shuo. Bien. Alors encore une fois, comment dites-vous être capable de ou savoir? Hui. C'est ça. Et donc, sais-tu parler chinois? Se dit. Ni hui shuo zhong wen ma? Donc, pour répondre à la question « Sais-tu parler chinois ?», vous direz toujours « Oui, oui, je sais », parce que c'est bien le cas grâce à ce cours. Donc, comment dites-vous « Oui ?»« 我会 ». Ce qui donne en abrégé « Oui ». Et une autre manière de répondre serait d'utiliser le « Oui passe-partout » qui est « Je ». Alors dites-moi, sais-tu parler français? D'abord, vous dites tu. Ni. Sais ou est capable de. Hui. Parler. Shuo. Langue française. Fa wen. Le mot interrogatif. Ma. Comment dites-vous parler? Shuo. Attention, on dit « shuo ». Rappelez-vous, ce candidat ne fait que parler, c'est un vrai « shuo ». Alors, sais-tu ou es-tu capable de parler français ? Ni hui shuo fa wen ma ?